Alors aujourd'hui, qu'est-ce que la santé mentale? La santé mentale, c'est une définition de l'Organisation mondiale de la santé qui rappelle que être en bonne santé, précisément, ça ne veut pas dire uniquement ne pas être malade. Ça veut dire que quand vous êtes en bonne santé, vous avez un niveau de bien-être satisfaisant en termes de relations sociales, en termes d'absence de troubles psychiques et même en termes d'épanouissement personnel. Et pour l'Organisation mondiale de la santé, eh bien, être en bonne santé, c'est aussi être en bonne santé mentale. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de prendre soin de votre santé mentale? C'est important de prendre soin de votre santé mentale parce que c'est ce qui va précisément définir votre niveau d'énergie pour traverser d'éventuelles épreuves de l'existence. C'est comme pour la santé physique, quelqu'un qui est en parfaite forme physique, eh bien, traversera mieux une maladie bénigne que quelqu'un qui est en très mauvaise santé, pour qui même une maladie bénigne risque d'avoir des conséquences graves. C'est la même chose pour la santé mentale. Plus vous avez un haut niveau de santé mentale, et plus vous serez en capacité de réagir positivement face aux épreuves de l'existence. Alors, comment prendre soin de votre santé mentale? En réalité, prendre soin de votre santé mentale, ça veut dire construire un écosystème qui, pour vous, vous permettra d'être parfaitement épanoui. La psychologie moderne a constaté que cet écosystème passe systématiquement par de bonnes relations avec votre entourage, la qualité de vos relations personnelles avec votre famille, vos amis, va avoir tendance à augmenter considérablement votre niveau de santé mentale. Par ailleurs, la qualité de votre sommeil et de votre hygiène de vie en général va là aussi participer à la qualité de votre santé mentale. Si vous dormez bien, si vous avez une nourriture saine et équilibrée, eh bien cela aura tendance à agir positivement sur votre psyché et à activer une augmentation de votre santé mentale. Enfin, la qualité de vos moments de vie, de vos expériences de vie, est-ce que vous avez un travail dans lequel vous vous épanouissez? Est-ce que vous faites des choses qui vous intéressent? Est-ce que vous êtes passionné? Ça aussi, ça va avoir tendance à activer votre santé mentale. Pour résumer, la santé mentale, c'est une définition de l'Organisation mondiale de la santé qui rappelle qu'être en bonne santé, c'est aussi avoir un équilibre psychique satisfaisant, c'est avoir un niveau de bien-être satisfaisant. C'est très important parce que c'est ce qui va vous permettre de traverser au mieux l'existence avec les bosses et aussi les creux, avec les épreuves parfois que met la vie sur le chemin de chacun. Pour prendre soin de votre santé mentale, vous devez veiller à développer de bonnes relations avec votre entourage, d'avoir des amis, d'être entouré. Vous devez faire en sorte d'avoir une bonne hygiène de vie, bien dormir, faire de l'exercice physique, avoir une alimentation saine et équilibrée. Et vous devez vous faire plaisir à travers des passions, à travers un métier que vous aimez, à travers des activités qui vont vraiment vous gratifier, vous aider à vous sentir pleinement et profondément bien. Prenez toutes et tous bien soin de votre santé mentale. Je vous souhaite le meilleur. À bientôt.